Le comité préparatoire suisse du rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des aides du Tutsé ont publié une déclaration commune, alors que le forum anti-impérialiste allemand une déclaration en signe de soutien à l'entretien du porte-parole du ministère coréen des affaires étrangères lancé contre le conseil de sécurité de l'ONU qui a adopté la résolution de sanctions contre l'essai coréen de l'explosion de l'ogive nucléaire effectuée en septembre dernier.